inventer des histoires. Il faudra que je redevienne comme cet enfant de ma mémoire qui aimait tant jouer aux billes ou à la poupée avec les filles. Il faudra que je rajeunisse, que je laisse ce monde d'adulte triste. Il faudra encore que j'aie peur pour ces contes fantastiques qui peuplaient pour moi la noirceur de ces ombres fantomatiques. Je réapprendrai à pleurer pour des jouets qu'on ne m'aura pas donnés. Et je jouerai la comédie pour faire comme ceux qui ont grandi. Je l'aurai dans le sang, la musique, je l'aimerai sûrement, la musique. Mais avant que je fasse tout cela, il aura fallu que j'aie attendu pendant si longtemps ta venue, mon enfant. Qui peut plaire pour moi la noirceur de ces ombres fantomatiques. Je réapprendrai à pleurer pour des jouets qu'on ne m'aura pas donné. Et je jouerai la comédie pour faire comme ceux qui ont grandi. Je l'aurai dans le sang, la musique, je l'aimerai sûrement, la musique, mais avant que je fasse tout cela, il aura fallu que j'aie attendu longtemps ta venue, mon enfant.